sur la colline de mon enfance. On m'a laissé sans surveillance, on a laissé le tourbillon m'emporter vers le front. J'avais goûté tous les parfums, mi-dieu, mi-ange, séraphin, toucher les ailes des papillons, libérer du cocon. J'ai ma médaille autour du cou, on y a gravé mon prénom. Ma vie ne valait pas un clou. On m'a dit faut tenir le coup, faut savoir encaisser les coups, sauver l'honneur de la patrie, même au prix de ta vie. Le bruit des bombes et la mitraille, autour de moi c'est la pagaille, ça sent la poudre du canon. Où est le temps des chansons? J'ai ma médaille autour du cou, on y a gravé mon prénom. Ma vie ne valait pas un coup, mort au con. Mais je sens la vie qui s'envole, elle a toujours été frivole. Je m'accroche à ce papillon, je veux revoir ma maison. Mes yeux se ferment, mes yeux pleurent, je vois ton sourire enjôleur. Je vais mourir loin de toi, mon amour, pense à moi. J'ai ma médaille autour du cou, on y a gravé mon prénom. Ma vie ne valait pas un clou, mort au con. J'ai ma médaille autour du cou, on y a gravé mon prénom. Ma vie ne valait pas un clou.